Là-bas, sur cette plage, loin du village où je t'ai rencontré, belle comme une image, ton doux visage me souriait. Je croyais que je rêvais, mais près de toi, mon cœur chantait. La vie que je mène restera toujours la même. Et puis si tu m'aimes, on n'y pourra plus rien changer. Caravelle qui nous emmène toujours un peu plus loin. Tu sais bien que je t'aime, et si tu m'aimes, on s'aimera. Je vois au fond de tes yeux un paysage sans un nuage. Séparer.